avec le mot du jour. Méfiez-vous des coléoptères. C'est ça, mais qui n'est pas si loin, qui n'est pas si loin, non, rien à voir. Mais en non, gros, rien c'est à voir. Ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est... Pas d'analogie. Le hautbois, oui. C'est le hautbois le plus grave qui existe, qui s'appelle le lupophone. Le lupophone. Et qui sera joué ce soir par 4 artistes pour, du coup, un programme qui s'appelle, attention, Many, Many... Oboes, donc avec des œuvres de Farzia Fala, Alireza Farang et Tobias Krebs et Eleni Khali. Il y a un fou rire à ma droite. C'est très difficile de se concentrer, Antoine. Le lupophone, c'est un instrument nouveau, donc assez récent, qui a été développé par Benedict Eppelsheim et Guntram Wolf, d'où le nom. De lupophone en lien avec le loup, wolf, loup, hein, et qui vient combler une lacune en termes de tessiture dans la famille des hautbois, dans le registre du hautbois basse. Et de par sa nouveauté, le lupophone n'a pas de répertoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire idiomatique, au contraire du hautbois et du cor anglais, dont une note suffit à ouvrir tout un imaginaire lié aux œuvres qui leur ont été consacrées. Le lupophone, au contraire, n'a pas encore de caractère identifiable pour le public. Donc, tout est à inventer. Et pour ça, parce que ce n'est pas si évident de trouver, en fait, des... Enfin, j'ai eu un peu de peine à trouver... des lupophonistes sur Internet. Donc, je vous encourage à venir ce soir pour écouter. Petite pub. Mais quand même, voilà, il y a cet extrait. Et voilà, c'était donc le lupophone. Et pour plus de lupophone, on vous le répète, vous pouvez venir ce soir. Le concert est à quelle heure? Ah, mais alors. Il est à 20h. Il est à 20h. Oh, merci. Dans la grande salle. Mais super, on n'est vraiment pas trop de 3 cerveaux et de 3 paires d'yeux.